Une restitution par François Copé. La session du Parlement étant close, l'honorable M. Grand Cadet, député des Deux-Garonne, prend le rapide, gratis bien entendu, avec sa carte de circulation, et va tâter le pouls de l'opinion publique dans sa petite ville. Confortablement installé dans un coin de wagon, M. Grand Cadet déploie un immense journal du soir, un journal bien pensant, ministériel, rédigé d'une prose lourde et triste comme la vertu, et dont la typographie elle-même a quelque chose de grave et de puritain. L'épisode du Panama, insignifiant comme on sait, et exagéré avec tant de malveillance par les seuls ennemis de la République, est relégué dédaigneusement à la troisième page, et tout ce qui s'y rapporte est imprimé en 7 et presque illisible. Par contre, les colonnes de l'organe austère sont encombrées de politique étrangère, d'articles d'un intérêt palpitant, qui commencent en ces termes « Les choses se gâtent au Venezuela » ou bien « Les jours du ministère Tricoupi seraient-ils comptés ?» Pour faire bonne contenance devant le monsieur à moustache blanche de colonel en retraite, qui est assis sur la banquette en face et lit tranquillement la cocarde, M. Grand Cadet ne quitte pas des yeux la feuille officieuse et semble se passionner pour la crise hélène et pour les dernières dépêches de Caracas. Mais en réalité, M. Grand Cadet a été très secoué par les derniers événements et la sombre inquiétude habite dans son âme. Son nom n'a pas encore été prononcé. Bon, il n'a rien écrit, rien signé, à merveille. Mais qui peut répondre, par le temps qui court, qu'on ne trouvera pas, un de ces quatre matins, sur son compte, un papier compromettant? Car enfin, tout de même, il a touché son petit pot de vin, l'honorable, comme les camarades. Et il n'a pas cru mal agir. Voyons, je vous en fais juge. Il n'avait pas d'opinion sur le dernier appel de fonds. Il hésitait. Un homme considérable, un riche banquier, qu'il rencontrait dans son milieu politique, avec qui il était dans les meilleurs rapports, presque un ami, lui ouvre les yeux, lui fait comprendre combien il est opportun, que dis-je, patriotique, de voter dans un sens favorable à l'émission. Ce monsieur qui sait vivre, qui est un parfait gentleman, lui propose, oh, dans les termes les plus délicats, de l'associer aux opérations financières qui se préparent, tout naturellement, autour de cette grosse affaire, et lui assure, lui paye d'avance, pour calmer ses scrupules. Un gain, mon Dieu, pas énorme. Une misérable pièce de 25 000 francs. Laissez-moi donc tranquille. Vous auriez accepté, tout comme M. Grand Cadet. Je sais bien, vous allez me dire, et les souscripteurs? Raisonnons. En cas de succès, ils n'auraient rien dit puisqu'ils auraient fait un placement très avantageux. C'était des joueurs, allons. Voulez-vous savoir ma façon de penser? Pas intéressant du tout, les souscripteurs. Est-ce que Grand Cadet pouvait deviner qu'on ne percerait pas ce fameux canal? Mais déjà, plusieurs fois, il avait réalisé quelques bénéfices, des misères, dans des affaires du même genre, qui avaient plus ou moins réussi. Personne ne s'était plaint. Eh bien, franchement, la main sur la conscience, il ne se reprochait rien. Et faut-il tout dire, il n'y croyait pas, à cette explosion de la colère publique. Tout cela était factice. Il était facile de reconnaître, derrière cette indignation de commande, un complot des anciens partis, la main du comte de Paris et des boulangistes. Le président du conseil le leur avait dit en face. Ah, mais heureusement qu'il était là, lui, Grand Cadet, pour défendre la République menacée. Et au péril de sa vie, s'il vous plaît. On ne l'en aurait pas cru capable, avec son petit bedon, ses favoris en pâte de lapin et sa mine de notaire paillard, qui se dispose à faire un trou à la lune. Mais quand la moutarde lui montait au nez, oui, s'il le fallait absolument, il se ferait tuer sur une barricade, et pareil à l'héroïque Baudin, il s'écrierait « Venez voir comment on meurt, pour 25 000 francs !» Pourtant, malgré tous ces beaux raisonnements, l'honorable député des Deux-Garonne n'était pas à la noce. « Si j'essayais de me reposer un peu, se dit-il. » Il enfonça sur sa calvitie son bonnet de voyage, s'enveloppa les jambes dans sa couverture, s'étendit sur la banquette et s'endormit bientôt d'un profond sommeil. Mais alors il eut le cauchemar. Était-il oppressé par le remords? Moi, je croirais plutôt qu'il avait eu tort de manger du civet. en dînant au buffet de la gare. Il aurait dû se méfier. Le lièvre ne lui réussissait pas. Ses rêves furent absurdes. Il se vit d'abord rentrant chez lui, ouvrant son coffre-fort, s'apercevant qu'on l'avait volé et que, à la place du gros portefeuille de maroquin vert où il serrait toutes ses valeurs, il n'y avait plus qu'un bas de laine absolument vide. Puis, brusquement, il fut transporté à la chambre des députés. Mais il était seul sur son banc, dans la salle déserte et à peine éclairée d'une lueur crépusculaire. Tous les pupitres étaient fermés, toutes les portes closes. Aucune trace humaine, qu'un énorme chapeau de haute forme, grand comme un réservoir de jardin, et posé sur le bureau du président. Grand Cadet le considéra avec stupeur, lorsque le monstrueux couvre-chef, faisant explosion, se mit à vomir une innombrable quantité de petits carrés de papier blanc, et sur tous, le malheureux député, doué soudain d'une puissance de regard surnaturelle, put lire le nom de son concurrent aux dernières élections. Mais tout à coup, le chapeau se replia de lui-même comme un gibus, le plafond s'abaissa, les murs se rétrécirent, et Grand Cadet, au comble de la surprise et de l'horreur, se trouva devant la cour d'assises, entre deux gendarmes, et reconnut sous les robes à manches rouges et sous les toques galonnées d'or du président et des deux assesseurs, son portier, son coiffeur et sa femme de ménage de Paris, tous trois ruinés dans le Panama. Et le président se leva et lut d'une voix caverneuse une sentence extraordinaire qui condamnait le sieur Grand Cadet, ancien député, à dorer la tour Eiffel à ses frais dans un délai de 6 mois et à être ensuite empalé sur le paratonnerre de cet édifice. C'était trop affreux. Le parlementaire se réveilla en sursaut. Il faisait petit jour. M. Grand Cadet reconnut les coteaux et les vignes de sa patrie électorale. « Décidément, le civet ne me voit rien, » pensa-t-il. « J'ai fait de bien stupides rêves, mais chassons ces mauvais présages. Je suis sûr de ma circonscription, pas de socialiste. Et le seul candidat possible des monarchistes, le marquis de la Tour Brangarde, partisan de Don Jem, n'est pas redoutable. D'ailleurs, nul ne connaît l'histoire de mes 25 000 francs. Du courage !» Une voiture attendait à la gare, monsieur le député. La parfaite tranquillité de sa ville natale lui parut d'excellent augure. Sur son passage, le cheval blanc peint sur l'enseigne de l'auberge où se réunissaient les boulangistes ne se mit pas à hennir à bas les voleurs, et le coq de fonte, juché sur le clocher de l'église, ne lui chanta point « Panama » en guise de cocorico. Dès qu'il fut chez lui, sa servante Thérésine, qui l'avait prévenu, lui servit du café au lait, et tandis qu'il le savourait voluptueusement, « Monsieur Grand Cadet, » lui dit la jeune paysanne d'un air gêné, « j'ai une chose ennuyeuse à vous avouer. Et quoi donc, ma fille ? D'abord, c'est que je vais me marier. Avec Pierre, le bourrelier d'en face. Voilà 2 ans que c'est convenu, je le savais bien. C'est toujours pour la semaine prochaine ? Oui, mais voilà. C'est que pour me marier, j'ai dû aller à confesse et dire à monsieur le curé un tort que je vous avais fait. Du tort, à moi ? Enfin, monsieur, pardonnez-moi, » s'écrie Thérésine qui fond en larmes. Il y a que je vous ai volé. Oui, que je vous vole depuis 2 ans et que je l'ai dit au curé qu'il m'a ordonné de rendre ce que j'avais pris et que voilà votre argent. Oh, jusqu'au dernier sou, je vous le jure. » Et la malheureuse retire de sa poche sa main pleine d'or et de menu monnaie qu'elle verse sur la table devant son maître. « Comment ? Vous me voliez ?» fait M. Grand Cadet plein d'étonnement et de colère. « Hélas, monsieur, ne me perdez pas, et ne le dites à personne, je vous en supplie. Vous voyez bien que je n'ai pas trop malhonnête, au fond, puisque je vous ai tout rendu. »« Soit, c'est bon, laissez-moi, » répond le maître avec impatience. Et resté seul, M. Grand Cadet tombe dans une rêverie. « N'allez pas vous imaginer, par exemple, qu'il songe maintenant à restituer, lui aussi, ses 25 000 francs de pot de vin. » Une fois pour toutes, il considère le bénéfice comme acquis et légitimement acquis. Non. Devant l'action de cette pauvre fille, à qui le prêtre a rappelé le catéchisme oublié, c'est une réflexion de sociologue, d'homme d'État, qui vient à l'esprit de M. Grand Cadet. Il rêve un moment, puis il ramasse l'argent laissé par Thérésine, le fourre dans sa poche, et alors, le croirait-on, lui, le fougueux libre-penseur, lui qui a voté toutes les lois anticléricales, il murmure entre ses dents, « On a beau dire, il faut une religion pour le peuple. » Ainsi s'achève Restitution de François Coppée.